Bonjour, ça va ? Ouais, ça va bien. Hop là. Là, il va se coucher demain, après c'est les vacances. Bah oui, ça c'est super. Je vais aller poser mes affaires. Toi, t'attends que ça sonne, c'est ça ? Ouais. Ok, à tout de suite. Parfois, je me sens comme un grain de poivre au milieu du sel. Je suis différent, c'est ce que le monde me disait. Loin des autres et loin du reste du monde, je n'avais pas d'amis. J'étais détesté par les autres. J'adorais ma famille et cette éducation particulière qu'ils m'avaient donnée. C'est quand tout le monde nous a vus comme si on était invisibles. Je sais pas comment expliquer, mais ouais. C'est triste. Quand on choisit, bah, ça peut être heureux parce que des fois, on préfère être seul. Mais quand c'est infligé, c'est malheureux. Du coup, moi, je parlais avec personne. Déjà, ils venaient me parler en français, mais moi, je comprenais pas. Des moments, c'est agréable. Des moments, c'est mal au cœur. Parce que ça te fait sentir différent et pas comme les autres. Bah, quand on est petit, on pense que entouré de plusieurs personnes, ça peut être bien. Mais on voit pas le mauvais côté des choses. Mais à partir du moment où tu vis un truc qui te fait sentir mal, ben en fait, la solitude, au final, tu dis c'est mieux que d'avoir, par exemple, un groupe de 20 potes. En fait, ça me rend plus mature. Quand, par exemple, on est rejeté et que certaines personnes ne sont pas en accord avec nous, des fois, on se rend compte que c'est mieux comme ça. On se rend compte que c'est mieux d'être bien tout seul qu'avec plusieurs amis qui, par exemple, te font du mal, manipulent. Tu dis ce que tu veux. Je m'appelle Flora, j'ai 12 ans. Je suis née en 2010 et je suis en classe Ulis et en 6e 6. Les élèves d'Ulis ont des besoins particuliers qui demandent plus de temps dans les apprentissages avec beaucoup de bienveillance. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 12 ans. Je m'appelle Mécène et 14 ans. Kevin. Je m'appelle Champin. Quel âge vous avez ? 15 ans. J'ai 15 ans. Je m'appelle Grégory, j'ai 13 ans. Je suis en 5e Ulis, ma classe d'inclusion en 5e 1. J'habite à Bagnolet. Je suis née à Montreuil. Voilà. Hey Tim. Je m'appelle Alexis, j'ai 13 ans. Ouais. Je suis en 6e, bientôt en 5e. Ouais. Logan, 15 ans. Je m'appelle Sina. J'ai 13 ans et je suis ma classe aussi. Ouais. J'en ai 10 en 5e 3. En réalité, elle n'avait pas choisi la solitude, elle la subissait. Parfois, elle se sent comme le grain de poivre au milieu du sel. C'est à ce moment qu'elle l'avait su, elle n'était pas comme les autres. Elle se sent comme exclue du monde, comme si ce monde, cet univers n'était pas le sien. Qu'elle était ce grain de poivre au milieu de tout ce sel. Normal, ça peut être un mot qui peut être blessant, mais rassurant en même temps. Parfois, être différente, c'est être unique, je pense. Il était une fois une histoire qui s'appelle « Dans ma cabane ». Dans ma cabane, il y a un lapin qui s'appelle Ange et qui mange une fleur orange et rose. Super. Dans ma cabane, je mange de la salade sensible et intelligente. Grâce à la lumière hypersensible de l'humanité. Trop beau. Et la plupart du temps, à partir du moment où on se dit qu'on est spécial, c'est qu'on a confiance en nous, qu'on est bien entouré, du coup on a un entourage qui vraiment bah, nous fait sentir spécial. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf sur la jalousie. C'est un mec qui est riche et il a une villa. C'est elle, ouais. C'est sa villa. Ouais. Et il l'a payé au moins. Je sais pas, ça doit coûter un petit peu très cher parce que c'est quelque chose qui est. Ouais. Ça, c'est mon préféré. C'est ta préférée, ouais. quand j'étais jeune, j'écoute ça. Quand t'es seule, t'écoutes ça? Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait? Et quand j'étais comme mon cœur, comme mon cœur est pâme, quand il y avait dansé. Et la tienne? C'est Papa Outé. Papa Outé, c'est... Papa, papa. Vous avez tout enregistré les chansons? Oui. Dans le meilleur comme le pire, je suis métisse mais pas martyr. J'avance le cœur léger et toujours le poing levé. Lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Chaque son signifiait mes sentiments, je me sentais libérée de tous ces sentiments qui me submergeaient. C'est dans ces moments-là que je me sentais différente, car tous ces autres gens qui extériorisaient leur tonne de sentiments par des paroles ou par la violence, moi je l'extériorisais par la musique. Je peux chanter celle-là. Celle-là? Ok, c'est reparti. Tous les autres mots, par exemple être spécial, manipulation, autisme, volonté, folie. Parfois il y a des choses où on peut pas dire à nos parents, mais à nos amis on peut dire. Je veux que les gens s'apprécient et soient amis, et je veux pas que les gens soient en colère, soient toujours en colère, en train de se faire du mal. Aimez-vous les uns et les autres. Ça me rend joyeux aussi, c'est juste si j'ai trouvé des amis et tout ça. Collège, ça va, il n'y a rien de mal et voilà.